Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, Jack Johnson, le boxeur noir qui divisa l'Amérique. 4 juillet 1910 à Reno dans le Nevada. Il en faut du cran à Jack Johnson pour entrer sur le ring. Devant lui, une arène de 18 000 spectateurs, presque tous blancs, venus assister au combat du siècle. Ils crient, hurlent leur soutien à leur champion blanc, Jim Jeffries, et couvrent d'insultes racistes son adversaire noir, qui avant le match a reçu des menaces de mort en cas de victoire. Mais Jack Johnson semble inébranlable. Il est le meilleur, il le sait, et il est venu pour gagner. Confortant ce jour-là son titre de champion du monde poids lourd, jusqu'à lui réservé aux blancs, Jack Johnson va briser le tabou de la supériorité blanche et soulever chez les Noirs américains un souffle de fierté et de révolte. Mais l'Amérique blanche n'est pas prête à pardonner à ce noir qui, en plus, ne baisse pas les yeux. Il aime l'argent, la célébrité, les belles fringues, collectionne les voitures de luxe et les femmes, blanches surtout. Autre tabou qui vaudra à Jack Johnson l'exil et la prison. Johnson, qui n'aspirait qu'à une chose, être reconnu comme un homme libre. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Nicolas Martin-Bretot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire et de la civilisation américaine. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du sport et des droits civiques aux États-Unis. Est-ce que le sport, justement, a joué un rôle dans le long chemin de l'émancipation des Noirs américains ? Oui, absolument. Le sport a joué un rôle central dans les batailles des Africains américains pour l'égalité civique aux États-Unis. On peut dire que le sport a été important dans la mesure où il a permis aux Noirs américains de prouver l'égalité, en réalité, des corps blancs et des corps noirs, en particulier sur un ring de boxe. Comme vous l'avez bien dit, l'enjeu pour les sportifs noirs américains était de montrer que finalement les Africains américains n'étaient en rien inférieurs aux blancs et en particulier aux hommes blancs. Le cliché à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle voulant que les hommes blancs, en particulier les hommes entre guillemets de la race anglo-saxonne, soient physiquement les individus les plus doués sur la planète, considérant que les hommes noirs étaient des inférieurs. Alors pour bien comprendre les enjeux de cette histoire, il faut rappeler ce qu'était la situation des Noirs à la fin du 19e, début 20e, aux États-Unis. En 1865, à la fin de la guerre de sécession, le 13e amendement de la Constitution affirme l'abolition et l'interdiction de l'esclavage. Les Noirs ne sont donc plus esclaves, mais est-ce qu'ils sont pour autant des citoyens libres ? Non, absolument pas. En réalité, la guerre de sécession met fin à l'esclavage du point de vue légal, mais toute une partie du pays, notamment le sud du pays, le sud vaincu pendant la guerre de sécession, ne reconnaît pas l'égalité raciale entre les Noirs et les Blancs. Et dans les années qui vont suivre la guerre de sécession, c'est-à-dire pendant toute la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, se joue en réalité une sorte de contre-révolution raciale qui essaye de revenir sur les avancées de la guerre de sécession en essayant de substituer un régime de ségrégation raciale au régime désormais aboli de l'esclavage. Et quelqu'un comme Jack Johnson naît dans ce contexte de contre-révolution raciale extrêmement violente, en particulier dans le sud des États-Unis, mais qui concerne l'ensemble du territoire américain, et qui fait en réalité du sud le véritable vainqueur de la paix. Le sud a certes perdu la guerre de sécession, mais il a, à de très nombreux égards, gagner la paix dans la mesure où il a réussi à imposer à l'ensemble du pays sa conception des relations raciales. Oui, parce que donc dans le Sud, il y a ce qu'on appelle les lois Jim Crow qui règlent plus ou moins la vie des Noirs et la séparation entre les Blancs et les Noirs, et les Noirs qui n'ont pas le droit de vote. Les lynchages sont monnaie courante également. Entre 1901 et 1910, aux États-Unis, on compte 846 citoyens qui sont lynchés, dont 754 sont des Noirs. Quel était justement l'espoir de Jack Johnson, jeune homme, à Galveston, au Texas, où il est né en 1874 ? Alors, en théorie, la vie de Jack Johnson aurait dû être semblable à celle de ses pères, c'est-à-dire une situation inférieure dans l'ordre social américain, et certainement pas la position qu'il a connue par la suite, c'est-à-dire cette renommée non seulement nationale mais internationale. Il aurait dû être quelqu'un travaillant dans des métiers subalternes, subordonnés, à l'intérieur d'un régime racial qui séparait très strictement blanc et noir, en particulier dans le Sud. Lui, il est né au Texas. l'un des États du sud des États-Unis, comme on les appelle, où la ségrégation raciale est particulièrement marquée et aussi où la violence raciale pour faire tenir les Noirs à leur place inférieure, soumise dans cette société, est la plus virulente. Vous parlez des lynchages, c'était monnaie courante aux États-Unis à l'époque, en particulier dans le Sud. C'est plusieurs dizaines, centaines de lynchages par an, parfois. Donc Jack Johnson a 16 ans, il est déjà un costaud, 1m82, il travaille à charger les balles de coton dans les trains, mais lui ce qui l'intéresse c'est la boxe. Et la boxe c'est quoi à ce moment-là? C'est un sport populaire C'est un sport extrêmement populaire aux États-Unis à l'époque, notamment chez les ouvriers et plus généralement dans les classes populaires, que ce soit les classes populaires blanches ou les classes populaires noires. Et en même temps, c'est un sport qui a très mauvaise réputation pour plusieurs raisons. La boxe a mauvaise réputation d'une part parce que c'est un sport très violent, et d'autre part parce que c'est un sport considéré comme immoral, permettant plus ou moins, si vous voulez, la mise en place de matchs truqués, permettant aussi les paris d'argent, etc. Tout un tas de pratiques qui étaient fortement réprouvées par la morale, notamment religieuse, de l'époque. Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en 1910, alors que Jack Johnson s'apprête à affronter James Jeffries. Johnson a déjà battu un blanc, Burns, dans la catégorie poids lourd, mais pour conforter ce titre de champion du monde, il doit battre absolument le blanc, James Jeffries. Nicolas Martin-Breteau, nous poursuivrons cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, Jack Johnson, le boxeur noir qui divise à l'Amérique, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Pascal Deux. Jab, percute, crochet, crochet gauche, crochet droit. Ça c'est pour toi le grand espoir blanc. Tu vas voir ce dont un noir est capable. Un descendant d'esclaves qui fait trembler le champion du monde en titre. Pas mal, non? Bon, il faut que je reste concentré. Il va vouloir me mettre KO tout de suite. Et moi je vais le laisser venir. Et au moment où il se sentira en confiance, je vais le cueillir, comme ça. Je vais le démolir, ce mâcheur de chewing-gum. Parce que je suis meilleur. Le 1er juillet 1910, Jack Johnson s'entraîne avec acharnement à Rick's Resort, à quelques kilomètres de Reno. Cette ville du Nevada s'apprête à accueillir ce qui n'est pas un simple championnat du monde, mais ce que la presse a baptisé le combat du siècle. Pour la première fois aux États-Unis, un noir va affronter un blanc dans la catégorie la plus prestigieuse, celle des poids lourds. Car en ce début de siècle aux États-Unis, le sport n'échappe pas à la ségrégation. Les bookmakers, flairant la publicité d'une telle affaire, ont fait monter les enchères pour convaincre un champion blanc d'affronter Jack Johnson. Tex Rickard, petit homme à moustache, aux cheveux gominés, a proposé plus de 120 000 dollars à l'ancien champion James Jeffries pour qu'il accepte de se battre contre Johnson. Sitôt le contrat signé, une arène de 18 000 places a surgi en 3 jours du désert du Nevada et les billets s'arrachent en quelques heures. Près de 500 journalistes arrivent par le train. Chaque jour, il rapporte les moindres détails de l'entraînement. Johnson est surnommé le crasseux ou encore l'éthiopien. Un journaliste écrit que le combat va voir s'affronter la beauté blanche et la laideur noire. Tout le pays soutient son adversaire, James Jeffries. Ce colosse, accro au chewing-gum, n'a pas combattu depuis 6 ans, mais il est désigné comme le grand espoir blanc. Ah, Jack ! Et là, je cherche partout. À ton avis, Tex, où est-ce que je pourrais être sinon devant un sac de frappe? Bien sûr. Mais quelle idée d'avoir installé un sac à la cave. Il fait plus frais. Et puis nous, les Noirs, on est habitués à être à fond de cale. Tiens, je t'ai apporté les journaux. Aide-moi à retirer mes gants. Le gouverneur du Nevada se félicite que le combat se tienne dans sa ville. T'es une nécreux, Tex. Tu m'étonnes. À Reno, ils ont plutôt l'habitude des fusillades dans les bars. Alors un match de boxe avec des règles, c'est civilisé, ils en demandent. Comment vont les paris ? Tous les blancs ont parié sur Jeffries. Sa cote est de 10 contre 4. Mais t'inquiète, depuis hier, on voit des noirs se ruer au guichet et miser toutes leurs économies sur toi, Jack. Dis-leur qu'ils vont bientôt être riches. James Jeffries reçoit la visite de l'ancien champion John Sullivan qui l'encourage à redorer le blason de la race blanche. Les pauvres. Dans 3 jours, c'est au tapis, oui, qu'ils vont la retrouver, la race blanche. Je serai toi, je créerai pas de victoire trop vite, Jack. Jeffries s'entraîne depuis 6 mois. Ce gros plein de soupe ? Il n'a pas combattu depuis 6 ans. Tu crois que j'ai peur de lui ? Passe-moi ma serviette. Il a perdu 45 kilos pour le match. Et on dit qu'il ravage tous ses sparring partners. Tu devrais faire attention. Tex, je suis le meilleur. Et tout le monde le sait. Simplement, les Blancs n'arrivent pas à l'admettre. Ça les rend malades. Ça va, Jack. Rappelle-toi, l'orgueil est un péché capital. Et pour commencer, t'aurais pas dû renvoyer ton manager juste avant le combat. Fitzpatrick ? Il me servait plus à rien. J'ai pas besoin de manager. Je suis mon propre manager. Jeffries est entouré de toute son équipe. Toi, sur le ring, tu seras tout seul. Tout le public sera contre toi et il n'y aura personne pour te soutenir. Tex, j'ai renvoyé Fitzpatrick parce que je voulais pas que le futur champion noir soit entraîné par un blanc. Ce combat, je l'ai préparé seul et je le gagnerai seul. C'est bien ce que je dis, Jack. Fais attention à ton orgueil. Tu sais, quand j'étais petit à Galveston, ma mère me disait toujours « notre couleur, c'est notre seul orgueil ». Elle avait raison. Ils peuvent tout nous enlever, nos droits, notre liberté. On aura toujours notre négritude qui nous colle à la peau. Le noir, c'est la couleur de l'orgueil. Allez, garde tes belles phrases pour les journalistes, ils arrivent tout à l'heure. Encore ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire de plus qu'hier ? Eh, faut bien qu'ils remplissent leurs torchons. Tiens, mets-toi en garde. Tu vas poser comme ça à côté du sac, ce sera très bien. J'ai mieux. Je vais leur présenter Etta. Avec ça, ils auront du grain à moudre pendant au moins 3 jours. Ta femme ? Elle est là ? Elle vient d'arriver. Je lui ai proposé de rester avec ma mère à Chicago, elle a pas voulu. Je lui en veux pas. C'est déjà compliqué de s'entendre avec sa belle-mère. Alors quand on est blanche et qu'elle est noire, si tu savais, je suis tous les jours au milieu. Jack, je crois pas que ce soit une très bonne idée de t'afficher avec Etta devant la presse. Pourquoi ? Cet enfoiré de Jeffrey se pose avec femme et enfant dans son ranch, et moi je devrais cacher ma femme dans la cave ? Jack, tous les blancs du pays veulent ta peau. Que tu remportes des victoires contre les leurs, ils ont déjà du mal à l'encaisser. Mais que tu t'affiches avec une femme blanche, c'est plus qu'ils ne peuvent supporter. Tu viens de le dire, Tex. Ils me détestent déjà. Alors j'ai rien à perdre. J'aime les femmes blanches et les femmes blanches même. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Passe-moi ma veste. Tiens. Tu te crois à l'abri des blancs parce que tu gagnes, mais c'est faux. Un jour ou l'autre, ils trouveront le moyen de te coincer. Parce qu'ils veulent que je sois le gentil noir qui baisse la tête, mais je veux vivre en homme libre. Pas en esclave. Fais le malin si tu veux. Un jour, tu verras que j'avais raison. Tu vois ça ? Quoi ? 2 rangées de dents en or à 24 carats. De quoi envoyer aux blancs mon plus beau sourire depuis le ring. Essaie déjà de les garder toutes face à Jeffries. Champion Jack Johnson versus challenger James J. 4 juillet 1910. La date choisie est tout sauf anodine. C'est l'Independence Day, la fête nationale. Un jour parfait pour le triomphe de la race blanche. À Reno, l'excitation est à son comble. Les places se vendent au marché noir jusqu'à 10 fois leur valeur. Malgré la chaleur étouffante, personne ne veut rater le combat du siècle. Comme des rumeurs menacent Johnson de mort en cas de victoire, le shérif a posté des hommes à chaque entrée du stade pour confisquer les armes à feu. Les festivités débutent par un Coon Song, chanson populaire mimée qui tourne les Noirs en ridicule. Tout sourire, un Noir monte sur la scène et se fait botter les fesses par son maître blanc. Le public rit et applaudit. Puis Jack Johnson fait son entrée sur le ring, accueilli par des huées. Eh bien ça y est, je l'ai voulu. J'y suis. 20 000 visages blancs déformés par la haine. 20 000 visages blancs qui veulent me voir au tapis. Et pour certains, au bout d'une corde. Mais ça ne me fait rien. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Alors ça, c'est pas une foule de racistes qui va m'empêcher de gagner. Tiens, voilà Jeffries qui file dans son coin. Ce trouillard a demandé à ce qu'il n'y ait pas de poignée de main. Il ne veut pas se salir avec un nègre. Planque-toi, Eva. Tu ne veux pas me causer ? Eh bien, moi, je vais te causer sur le ring. Ah, voilà Tex. Il va encore servir au public un de ces boniments de marchand de savon dont il a le secret. Mesdames, messieurs, à ceux qui se demandent pourquoi j'ai le droit de porter un colt à ma ceinture, c'est parce que je me suis engagé à brûler la cervelle du premier des deux qui ne défendra pas ses chances. Que le meilleur gagne. Each time. Les spectateurs retiennent leur souffle. James Jeffries cherche tout de suite le chaos. Il s'approche de Johnson pour lui décrocher une série de coups dans le ventre. Mais ce style offensif qui terrifiait autrefois ses adversaires est inefficace face à la défense de Johnson. Au quatrième round, Johnson passe à l'attaque. Il distribue peu de coups, mais sa vitesse déborde Jeffries, plus lourd de 10 kilos. Le public hurle pour encourager Jeffries, dont l'équipe lâche à Johnson un chapelet d'injures racistes. En réponse, Johnson continue à pilonner son adversaire avec le sourire. Alors, on t'entend plus, Jeffries? T'aurais pas dû manger tous ces steaks? Ça aurait évité de te faire démolir par un noir. Ferme ta gueule et viens là. Viens te battre, espèce de merde. Ah ouais? Je suis peut-être une merde, mais en attendant, c'est toi qui te prends une branlée. Le jour de l'indépendance en plus, ça doit te faire tout drôle. Putain de sale nègre. Je vais te faire passer ton sourire, moi. Viens. Jack, qu'est-ce qui te prend de lui parler sans arrêt? T'es sur un ring, pas dans un salon de thé. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je croyais que ce mec frappait. Je suis bien obligé de lui parler pour meubler. Bois, bois. Les gens ont payé pour te voir cogner, pas pour t'entendre causer. Ah, c'est sûr. Un mec qui parle, ils sont pas habitués. Tiens, essuie-moi le visage. Respire, respire. Les 10 rounds suivants sont à l'avantage de Johnson, dont les coups précis et lourds font des ravages. Jeffries est obligé de se tenir aux cordes. Il a le nez cassé, les yeux quasiment fermés. Alors, c'est tout ce que tu peux donner, Jeffries? Allez, allez, tape! Au 15e round, un uppercut du gauche envoie Jeffries au sol pour la première fois de sa carrière. Le collier est livré, Mr. Jeffries! Jack! Jack, ne frappe plus, tu entends? Faudrait savoir ce que tu veux! Je t'ai pas dit d'en faire de la bouillie. Si tu le massacres, ils vont dire que le combat est truqué. Ils vont vouloir se faire rembourser. T'inquiète pas pour Jeffries, va. Ils vont bien arriver à sauver la peau de leur champion. À la reprise suivante, un terrible direct de Johnson met fin au combat. Jeffries est étendu par terre. 1 2 3. Ne laissez pas le nègre le mettre KO. 4. Ne le laissez pas gagner. 5. 6. 7. À 8, Jeffries se relève, mais son entraîneur se précipite pour arrêter le massacre. Le match s'arrête. Dans le public, c'est la consternation. Le nouveau champion du monde est évacué sous les huées. Alors, vous avez vu qui est le meilleur? Hein? Vous avez vu qui est le meilleur? C'est Chad Johnson, le champion! Le lendemain, Jack Johnson et son entourage montent dans un train à destination de Chicago. Le champagne coule à flot. Mais pendant ce temps, une onde de choc gagne l'Amérique tout entière. L'écrivain Jack London, qui a couvert le combat pour le Herald, écrit « Jack Johnson a infligé une défaite aux représentants choisis de la race blanche ». Des émeutes éclatent qui font des dizaines de morts. Le Congrès américain interdit la diffusion du film du match. Bientôt midi, quel soleil. Depuis que je suis dans ce train, je ne sais pas si on a fait autre chose que boire et manger. Le nouveau champion du monde a dû prendre 5 kilos entre Reno et Chicago. Je parie qu'ils vont être des centaines à m'attendre à la gare. Jamais je n'aurais cru un jour traverser tout le pays et être acclamé dans chaque ville. Qu'est-ce que je vais leur dire? Désormais, j'incarne tous leurs espoirs. Il va falloir trouver les mots justes. Telle que je la connais, je suis sûr que ma mère va se mettre à pleurer. Et chez les Noirs, ça va être l'hystérie. 7 juillet 1910. À la gare de Chicago, une foule immense est venue à la rencontre de Jack Johnson. Aux yeux de la plupart des Noirs américains, il est un héros. Mais les émeutes des derniers jours ont divisé les esprits. Merci, merci. Merci à tous. Mais vous savez, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste eu à allonger le bras et il s'est effondré. Toi, tu l'as mis KO, Jack. Hey, on était des millions à trembler derrière toi. Si vous saviez, j'ai passé des milliers d'heures à imaginer ce combat seul dans ma chambre. Quand Jeffries est tombé au sol, je me suis dit que j'avais accompli le rêve de toute ma vie. Mais en vous voyant aujourd'hui devant moi, je me rends compte que ce qui s'est passé ce jour-là va bien au-delà. C'est le rêve de tout un peuple que j'ai accompli à sa place. Tu parles. Parce que tu es le nouveau champion du monde, tu crois que ça te donne le droit de t'exprimer au nom de tous les Noirs? Qu'est-ce que ta victoire nous a apporté à nous, sinon de la violence et des larmes? Des dizaines de nos frères ont été tués. Tout ça pour que tu te pavanes pour ta propre gloire dans un sport de blanc? Alors selon vous, révérend, il faudrait faire quoi? Vivre en baissant la tête? Raser les murs pour ne pas déclencher la colère du blanc? Toute ma vie, j'ai été discriminé. Savez-vous seulement ce qu'il m'a fallu d'acharnement pour remporter ce titre? Et aujourd'hui, voilà que je me fais critiquer par un de mes propres frères. Les blancs veulent notre peau. Et toi, tu ne penses qu'à les provoquer comme un irresponsable qui est à l'abri. Mais nous, nous sommes pauvres. Personne ne nous protège. Combien de morts va-t-il encore y avoir pendant que tu bois le champagne avec des blanches? Écoutez-moi tous. Ma mère, qui est à côté de moi, est une ancienne esclave. Sa mère est morte sous les coups de ses maîtres dans une plantation. Nous n'avons pas le choix. Il faut essayer de vivre en homme libre, quitte à en mourir. Parce que de toute façon, si nous n'essayons pas, ils nous tueront. Je suis d'accord avec toi, Jack. Je suis vraiment d'accord avec toi, Jack. Pardon, révérend, mais il me semble qu'il vaut mieux que quelques Noirs aient été tués plutôt que les Blancs continuent de nous tuer tous les jours à petit feu avec leurs éternels sermons de supériorité. Merci, merci. J'espère simplement que vous ne serez pas comme les Français. L'histoire nous apprend que lorsque Napoléon a cumulé les victoires, les Français étaient avec lui. Mais lorsqu'il a perdu, le peuple s'est retourné contre lui. Lorsque Jack Johnson connaîtra la défaite, j'espère que vous m'aimerez de la même manière que lorsque j'étais champion. On t'aimera toujours, Jack! C'est notre idole! On t'aimera toujours! Juillet 1911 à Chicago. Jack Johnson est bel et bien devenu une idole pour les Noirs. Mais pour le gouvernement, il est l'homme à abattre. Loin de faire profil bas, le nouveau champion affiche un style de vie provocant. Il revendique son goût pour les femmes blanches, les voitures de luxe et l'alcool. En 1911, il a épousé Etta Durea, l'héritière d'une riche famille blanche de Brooklyn, alors que les relations interraciales font scandale. Ils attirent tous les regards. Le puissant champion du monde et l'élégante Etta qui ne quitte jamais son manchon en renard blanc. Mais Jack Johnson n'a rien d'un mari modèle et le couple bat de l'aile. Le boxeur passe ses soirées en joyeuse compagnie au bar qu'il a ouvert à Chicago en hommage à sa victoire, le Café Champion. Un des rares endroits où noirs et blancs se retrouvent le soir au mépris de la ségrégation. Un whisky double. Ah non, simple. Il y a ma femme qui arrive. Bonsoir, Jack. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu bois? Tu n'as pas l'air à l'aise. Tu as peur qu'une de tes maîtresses vienne te dire bonjour? Arrête un peu, tu veux. J'ai une surprise pour toi. J'ai été la chercher exprès tout à l'heure. Regarde. Encore un cadeau? Comment ça, encore? Tu imagines le nombre de femmes qui voudraient être à ta place? Une robe? Oui, mais pas n'importe quelle robe. Elle vient de Paris. C'est une robe de Paul Poiret. Mais Jack, tu es complètement fou. Quoi, tu n'es pas contente? C'est le plus célèbre couturier de Paris. Tu te souviens du père Rufus? C'est lui qui m'a appris la boxe quand j'avais 15 ans à Galveston. Je n'étais qu'un gamin avec des gants plus gros que moi. Le père Rufus m'a fait promettre que quand je serai célèbre, je lui offrirai un costume en velours framboise. Eh bien, j'en ai fait faire un pour lui chez Paul Poiret sur mesure. Parce qu'il m'a appris que dans la vie, le plus important est de tenir ses promesses. Jack, tu ne devrais pas étaler ton argent comme ça. Et pourquoi? Le nouveau champion, c'est moi. Je ne l'ai pas volé, cet argent. J'en fais ce que je veux. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu es dans le collimateur des autorités. À leurs yeux, tu es ingérable. Et t'as, j'ai passé 15 ans de ma vie à prendre des coups. Tu ne crois pas que je peux enfin profiter un peu? Votre whisky, monsieur. Ça n'est pas la question. Tu vis dans un pays de blancs et tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Un pays de blancs? Qui c'est qui a construit ce pays? Mes ancêtres sont arrivés ici avant quiconque ayant même rêvé des États-Unis. Alors je me considère comme plus américain que n'importe qui. Bien sûr que tu es américain, mais ils ne sont pas prêts à te faire une place. Allons-nous-en de cet endroit. Pourquoi? Tu es gêné parce qu'il y a trop de noirs? Ne sois pas ridicule. Je suis gêné à cause de toutes ces femmes qui te regardent. Eh bien sans doute qu'elles considèrent que je suis à ma place, elles. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas à ta place. Si, tu l'as dit. Et le pire, c'est que tu as raison. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse ma place ailleurs. Et où ça? En Europe, en France. Là où les Noirs sont traités avec dignité. Même à l'étranger, ils trouveront un moyen de te coincer. Ils sont à tes trousses, Jack. Eh bien, si tu as peur, tu n'as qu'à divorcer et demander à ton père de te trouver un mari blanc. Et tu suivras dans les journaux les aventures de Jack Johnson en exil à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Paris? J'ai un combat à Londres dans 3 mois. On n'a qu'à s'installer à Paris après. On mènera la belle vie. Et t'as, la France, c'est un pays de liberté. Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Au contraire, la vie, c'est comme la boxe. Il ne faut surtout pas trop réfléchir. Je vais nous trouver le plus bel hôtel de Paris. Allez, viens dans mes bras. Allez, plus vite. Quel manchot, ça, Félix. Moi qui croyais que les Français conduisaient comme les Italiens. Je meurs d'envie de le faire descendre et de prendre le volant. Mais tout le monde va croire que je suis le chauffeur. Alors qu'un noir à l'arrière d'une limousine avec un chauffeur blanc, ça en jette. Ah, ça y est, on arrive avenue de l'Opéra. Les journalistes sont devant l'hôtel. Oh, j'ai envie d'un bon bain. Après tout, pourquoi pas? Je vais les faire rentrer dans ma suite, et quand ils arriveront, eh ben, je serai dans mon bain. L'État va être scandalisé, mais les Français vont adorer. Septembre 1911. L'arrivée de Jack Johnson à Paris, en effet, ne passe pas inaperçue. Il est venu avec sa femme Etta et son entraîneur Bob Armstrong, suivi de leurs innombrables bagages. Depuis 1905, les plus grands champions de boxe noirs américains, fuyant la ségrégation, se réfugient souvent à Paris, où ils trouvent un public avide de divertissement. Dans le Paris de la Belle Époque, la mode de l'exotisme fait fureur et les Parisiens raffolent des combats nègres. Cocteau, Apollinaire, Colette, Sandrard sont des assidus du ring noir qui incarnent à leurs yeux une animalité envoûtante. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Quoi? Vous avez peur de mes poings? Je vous dis de reculer. Je vais éclabousser vos costumes. Monsieur Johnson, vous êtes attendu cet après-midi à 4h pour un match d'exhibition au Magic City et vous nous recevez dans votre bain, dans votre chambre d'hôtel. Comment vous sentez-vous? À 4h, vu qu'il est déjà 5h, vous pouvez leur télégraphier que je n'y serai pas avant 2 bonnes heures. Monsieur Johnson, qu'est-ce qui vous a amené à venir à Paris? On m'a dit que Paris était un paradis noir. J'ai voulu vérifier par moi-même. On dit qu'aux États-Unis, les Noirs ne sont pas traités comme des citoyens à part entière. Est-ce votre sentiment? Les Américains considèrent qu'ils ont fait une faveur aux Noirs en abolissant l'esclavage. Alors l'idée que nous pourrions être des hommes libres n'est pas tout à fait entrée dans leurs esprits. Vous n'êtes pas un Noir ordinaire. Vous êtes le champion du monde de boxe. Vous êtes riche et célèbre. Croyez-vous pouvoir parler au nom de tous les Noirs? Quand j'ai mis Jeff Jeffries KO, les Noirs ont fait la fête dans tout le pays pendant une semaine en criant « On a gagné !» J'aurais pu dire à chacun d'entre eux « Toi, tu n'as pas gagné. T'étais assis dans ton fauteuil pendant que j'étais sur le ring. » Alors après ça, j'ai bien le droit de parler au nom de tous ces foutus nègres. On peut faire une photo? Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Une photo, Johnson. S'il vous plaît. 1912. Jack Johnson enthousiasme Paris. Il est au sommet de sa popularité et se produit dans des combats de catch ou des numéros de music hall au Magic City ou aux Folies Bergères. Il lui arrive même de danser le tango, ce qui lui vaut les moqueries de la presse sportive. Mais le public français l'adore. Tous les soirs, au bal Bullier, les Parisiens s'étourdissent pour oublier l'ombre menaçante de la guerre. Etta, ça fait 1 heure que je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sors pas ce soir. Qu'est-ce qui te prend? C'est encore cette foutue morphine que tu prends toute la journée? Il faut vraiment que tu arrêtes. Si tu étais plus souvent là, je n'aurais pas besoin d'en prendre. Ça y est, c'est encore de ma faute. Bon, tu t'habilles? Tu crois vraiment que c'est raisonnable? On n'a plus d'argent, Jack. Eh bien, on va faire comme l'autre fois. On va sortir dans la rue avec nos plus beaux habits. Une foule va nous suivre jusqu'à l'opéra. On va se faire inviter à dîner comme l'autre fois. J'en ai assez de cette vie. De te voir boire et danser avec tes maîtresses jusqu'au matin. Tu es injuste, Etta. Je ne t'ai jamais laissé manquer de rien. Qui gagne notre vie? Qui monte sur le ring toutes les semaines? Tu montes sur le ring pour des exhibitions, pour faire glousser des cocottes et des homosexuels. Je n'ai plus un boxeur, Jack. Tu es devenu un nègre de foire. Eh bien, je préfère être un nègre de foire applaudi à Paris qu'un champion de boxe insulté dans son pays. Jack, je suis ta femme. Les journaux américains racontent que tu mènes une vie de débauché à Paris. Tu crois que ça me fait plaisir? Tout cela ne fait que les monter encore plus contre toi. Je ne vois pas comment il pourrait être plus remonté. Le Ku Klux Klan m'a mis en premier sur sa liste des Noirs à pendre. L'ennemi public numéro 1. Alors autant brûler la vie par les deux bouts. Allez, mets ta fourrure, on y va. Tout ça va mal finir, Jack. Et plutôt que tu ne le crois. Allez, on va retrouver les Delaunay. Ils veulent me présenter Arthur Cravant, un boxeur-poète. Paris est bien la seule ville au monde où les boxeurs sont aussi poètes. Les pressentiments d'État se confirment. Quelques mois plus tard, la parenthèse enchantée se referme. Suite à la mort de son père et aux infidélités de son mari, Etta sombre dans la dépression et en septembre 1912, elle se suicide d'une balle dans la tête. Aussitôt, les autorités américaines y voient l'occasion d'avoir enfin la peau de Johnson. La presse américaine mène une campagne pour dénoncer les mariages interraciaux. Un mois après la mort d'Etta, Johnson prend pour compagne une autre jeune femme blanche, Lucille Cameron. En novembre 1912, la police force la porte de la chambre d'hôtel de Johnson et le place en état d'arrestation. Il est accusé de violation du Mann Act, la loi votée par le Congrès qui interdit de voyager avec une blanche d'un état à l'autre. Surtout ne pas craquer, c'est ce qu'ils attendent tous. Depuis la mort d'Etta, je passe pour un criminel dans tout le pays. C'est drôle. Etta m'a toujours reproché d'être un monstre d'égoïsme. Mais au final, l'acte le plus égocentrique qui soit, c'est elle qui l'a accompli. Elle est morte dans mes bras, le revolver à la main. Elle a toujours eu le sens de la mise en scène, il faut lui reconnaître ça. Bientôt une semaine que je suis dans cette prison. Depuis le temps qu'ils en rêvaient. Ils ne pouvaient pas m'avoir sur le ring, alors ils m'ont attaqué à l'extérieur. Moi, l'homme le plus fort du monde, me retrouver derrière des barreaux comme un animal. Hier, un détenu blanc m'a lancé qu'il aimerait bien tuer le champion. Qu'il essaie pour voir. Tiens, le gardien me fait un signe. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai de la visite, apparemment. Ah, c'est Richard, mon avocat. Le seul blanc de ce pays qui prend ma défense, parce que je le perds royalement. Alors, Jack, le moral est bon? Pas si mal. Quelles sont les nouvelles? Ça ne se présente pas très bien. Ils ont retenu 11 chefs d'inculpation contre vous. Je suis déçu. Je m'attendais à plus. Les principaux sont proxénétisme, crime contre nature, corruption et incitation à la prostitution. Rien que ça? Si Etta était encore de ce monde, elle me ferait une de ces scènes. La mère de Lucille se déchaîne contre vous dans la presse. Elle dit que sa fille n'est pas en pleine possession de ses moyens, que vous la droguez pour qu'elle reste avec vous. Elle affirme que vous voulez l'entraîner vers la prostitution. Je vous ai apporté le dossier de l'accusation. ?280 pages? Il pèse son poids. Quoi? Le témoignage de Belschneider? Ils ont été la chercher? Oui, l'accusation affirme que vous avez forcé votre ex-petite amie à se prostituer. Quand j'ai rencontré Belle, sa réputation la précédait déjà dans tous les bars de Chicago. Quand elle était saoule, elle me disait toujours qu'elle préférait mille fois la vie de cocotte à celle de dactylo dans un bureau. Alors ça va être dur de prouver que je l'ai forcé. C'est pourtant ce qu'elle affirme. Son témoignage est accablant pour vous. Ils ont dû lui lâcher un paquet de dollars. Que voulez-vous, Richard? Dans ce pays, la parole d'une fille de barbe blanche vaut plus que celle du champion du monde noir. À quoi bon préparer ma défense? Parce que vous y avez droit, Jack. Comme tous les citoyens. Alors c'est une chance dont il faut se saisir. Et puis qui sait? Peut-être votre cas fera bouger les mentalités de ce pays. Un jour, ça ne choquera plus personne qu'un homme noir épouse une femme blanche. Peut-être. En attendant, pour ma ligne de défense, je propose que le juge demande à toutes ces femmes blanches pourquoi elles préfèrent les noirs. Il va être servi. Jack, il faut décider si nous plaidons coupable ou non coupable. Je plaide coupable d'avoir vaincu James Jeffries. Voilà mon vrai crime à leurs yeux. Pour l'instant, c'est surtout le témoignage de Belle Schneider qui pèse dans la balance. Lucille a déclaré qu'elle vous aimait et qu'elle voulait vous épouser. Vous devriez vous marier avec elle, Jack. Ça pourrait faire tomber l'accusation de proxénétisme. Se faire passer la bague au doigt pour éviter la prison? C'est plutôt cher payé, vous ne trouvez pas? Vous n'êtes pas sur le ring, Jack. Vous n'êtes pas en position de force. Exact. C'est pour ça que cette fois, je m'abstiendrai de me présenter devant l'arbitre. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas quitter les États-Unis avant le procès. Je vais me gêner, tiens. Mais je vous dirai ni quand, ni comment. Vous aurez la surprise. Jack, si vous n'assistez pas au procès, la peine sera bien plus lourde. Ma peine, elle m'a déjà été infligée, Richard. Elle n'est pas prête de s'achever. La mort d'État vaut toutes les condamnations. En juin 1913, Jack Johnson est condamné à 1 an de prison par la Cour suprême pour sa relation avec Lucille Cameron. Il fait aussitôt appel et en profite pour s'enfuir en France avec Lucille qu'il a épousée. Désormais considéré comme un fugitif, il continue les combats de boxe en Europe. Le 27 juin 1914, il bat le champion Franck Morand au Vélodrome d'hiver à Paris. Mais le 1er août, la guerre éclate et met fin aux folies de la Belle Époque. Le ring noir se disperse. Pris dans la tourmente, Jack et Lucille partent pour l'Angleterre, puis l'Espagne. Mais la vie en exil finit par leur peser. En 1917, alors que les États-Unis viennent d'entrer en guerre, Jack tente de négocier avec le gouvernement américain pour rentrer au pays sans aller en prison. Alors, Richard ? Jack, je regrette. Le département de la justice a dit non. Quoi ? Je suis désolé, vraiment. Je leur propose de risquer ma peau en France dans cette foutue guerre, et ça n'est pas assez pour eux ? Ils sont d'accord pour que vous vous engagiez comme soldat dans l'armée américaine, mais pas pour effacer votre peine en échange. Ils sont d'accord pour que je me fasse tuer pour rien dans une tranchée, quoi. Eh bien, au moins, je mourrai pour quelque chose. Je mourrai pour un pays que j'aime et qui m'a accueilli lorsque le mien me rejetait. Pour rien au monde, je ne servirai sous l'uniforme américain. Je serai bien plus à ma place sous le drapeau français. C'est ce qui se passe. L'armée américaine a transféré à la France ses soldats noirs pour ne pas qu'ils combattent à côté des Blancs. C'est une honte. Pour nos camarades, il y a deux fronts dans cette guerre. Celui contre les Allemands et celui de leur propre état-major qui cherche à les discriminer. En France, ce sont des héros. On les a surnommés les poilus de Harlem, car la plupart viennent de New York. Savez-vous que les soldats français ont baptisé un obus américain le Johnson, en hommage à vous ? Ça me fait chaud au cœur, Richard. Les Français compensent une fois de plus tous les honneurs que mon pays ne m'accordera jamais. À la fin de la guerre, 500 soldats originaires de Harlem recevront la Croix de guerre française, mais n'auront aucune reconnaissance du gouvernement américain. Jack finit par rentrer aux États-Unis en 1920 et purge sa peine. À sa sortie de prison, il se retire définitivement de la boxe. 9 juin 1946, en Caroline du Nord, Jack Johnson a 67 ans. Il ne monte plus que rarement sur le ring, mais sa passion pour les voitures ne l'a jamais quitté. En ce matin de printemps, il roule à toute vitesse dans une Lincoln Zephyr en direction de New York. Il fait très chaud et les champs de tabac s'étendent à perte de vue. Il s'arrête dans un diner au bord de la route. On peut manger ici ? Et toi, le négro, tu sais pas lire ? C'est à moi que vous parlez ? Ouais, c'est à toi que je parle. T'as vu ce qu'il y a marqué au-dessus de ta tête ? Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Alors je vais le lire pour toi. C'est marqué « Réservé aux Blancs ». C'est peut-être réservé aux Blancs, mais il y a personne dans ta gargote. Je m'en fous. Les Noirs, c'est dans l'autre salle. Mais s'il n'y a pas de Blancs dans la salle réservée aux Blancs, je vois pas qui ma couleur pourrait déranger. Écoute, c'est simple. Soit tu bouges ton cul de nègre tout de suite, soit j'appelle les flics. C'est clair ? Très clair. Je vais aller dans l'autre salle. Et plus vite que ça ! Sale enfoiré de Blanc. Je l'aurais bien mis une raclée au patron. Même à mon âge, je suis sûr que je l'aurais allongé du premier coup. Mais bon, il avait l'air du genre à vous coller une balle dans la tête si on lui dit que ses pancakes ne sont pas assez cuits. Un bon Blanc du Sud droit dans ses bottes. Il aurait dit au shérif qu'un noir avait voulu l'attaquer et il m'aurait enterré sur le bas-côté de la route. J'aurais servi d'engrais au champ de tabac. Le Sud, ça me fout le cafard. Je vais me tirer vite fait. Si je roule un peu plus vite, je serai à New York demain matin. La Lincoln Zephyr roule à plus de 110 km/h. Quelques kilomètres plus loin, Jack Johnson quitte la route dans un virage et percute un poteau téléphonique. Il est transporté à l'hôpital pour noirs de Raleigh, où il mourra dans la nuit. Au moins, ici, on ne risque pas de me faire changer de salle. Quoique, ça ne m'aurait pas déplu d'avoir une jolie infirmière blanche. Il paraît que j'ai perdu connaissance deux fois. Le médecin a fait une drôle de tête en m'examinant. Il a dit quelque chose à l'infirmière, et elle m'a regardé comme si ma dernière heure était arrivée. Ah, ça y est. Je recommence à avoir le vertige. Ce serait drôle quand même que je passe l'arme à gauche dans le sud. J'aurais préféré New York. Le patron du diner ressemble au blanc qui crachait devant la maison de ma mère à Galveston. Rien que pour ça, si je dois mourir cette nuit, j'aimerais être enterré à côté d'État. Ma mère va m'en vouloir. Elle m'attend dans le petit carré du cimetière de Galveston. Mais État, ça fait 34 ans qu'elle attend son dépôt chez de Marie. Jack Johnson, le boxeur noir qui divise à l'Amérique, de Marjorie Philibert, avec Jack Johnson, Namakan Koné, James Jeffries, Mathieu Rauchvargé, Tex Rickard, Philippe Bautier, Etta Duria, Marik Renner, le pasteur noir Augustin Rouabarois, l'avocat Vincent Nemeth, le journaliste Jean Riffel, le patron du diner Norbert Ferrer, l'employé du train Suleyman Silla et la voix d'Othello Vilgar. Bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Julien Douminc et Antoine Vieussa, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Jack Johnson avec mon invité Nicolas Martin Breteau. I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights, those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights. Even the fuss, but the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, no blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong. Dead on my hands, but I don't know where it's from. Blue Light de Georges Asmé sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, réalisé par Lauriane Toulmont, assisté de Marie-Claire Matoute. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Sacha Trop. Nicolas Martin Breteau, on a du mal à imaginer, même si bien sûr on le sait, mais imaginer le climat de haine raciste qui régnait au tout début du XXe siècle aux États-Unis lors du match à Reno. On l'a entendu, tout le monde, même la presse, tout le monde est contre Jack Johnson. Est-ce que le racisme, c'est la norme à l'époque ? Oui, vous avez raison. Le racisme organise l'ensemble de la société américaine du début du XXe siècle. Ce racisme est à la fois violent du point de vue physique, on a parlé des lynchages, mais il est également extrêmement violent du point de vue symbolique. L'ensemble de la culture américaine est strictement ségrégée, opposant la race noire et la race blanche, et les mettant en rapport d'un point de vue hiérarchique. Les blancs sont supérieurs aux noirs en tout point, que ce soit intellectuel ou physique. Même Jack London, l'écrivain, qui est quand même un homme cultivé, un homme plutôt du côté des pauvres aussi, il défend Jeffries. Absolument, Jack London, le romancier qui est très célèbre en 1910 déjà aux États-Unis, partage en fait les stéréotypes de son époque sur l'infériorité physique, morale et intellectuelle des Noirs. Il est dépêché comme envoyé spécial sur le match de 1910. C'est un grand amateur de boxe et il passe les semaines précédant le match à dépeindre le futur affrontement entre Jeffries et Johnson comme en fait une véritable guerre raciale. Il présente Jeffries comme le tigre celui qui va redonner fierté à la race blanche. Et il dépeint Johnson comme le singe, à peine sorti de sa jungle, et dont l'infériorité, à la fois morale, intellectuelle et physique, mènera inéluctablement à sa défaite. D'où le choc énorme de Jack London et de l'ensemble, en fait, des Américains blancs devant la défaite de Jim Jeffries. Il y a une autre forme de racisme qui consiste, au contraire, à voir dans le noir la force physique naturelle, entre guillemets, ou héritée de l'esclavage, justement, qui justifie l'esclavage aussi, mais à qui on réfute, au contraire, toute capacité intellectuelle. Comment on se situe là-dedans, là ? Oui, c'est une excellente question. Les préjugés, les stéréotypes concernant la physicalité des Noirs ont évolué au cours du temps et ils ont été aussi contradictoires au même moment. Mais en général, au début du XXe siècle, on considère que, quand je dis « on », les Blancs américains considèrent que les Noirs sont inférieurs physiquement et que le sport, en général, les activités athlétiques, ne correspondent en réalité qu'aux qualités des races supérieures, en particulier de la race anglo-saxonne. Aujourd'hui, le préjugé est exactement inverse. On considère que les Noirs sont doués pour le sport. Ce préjugé est en fait relativement neuf et il s'est retourné dans les années 1910, 1920, 1930 et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un comme Jack Johnson est intéressant parce qu'il est l'un des tout premiers à battre en brèche ce préjugé sur la supériorité physique prétendue des hommes blancs. Alors Jack Johnson, effectivement, c'est un homme assez étonnant, le courage qu'il lui faut pour affronter cette foule. Est-ce que c'est un révolté, un idéaliste ? Jack Johnson n'est pas quelqu'un qui fait preuve de prise de position politique. Il ne se considère pas comme un représentant de la race, comme on appelait les leaders noirs à l'époque. Ses biographes ont bien mis en valeur sa volonté farouche de vivre pour lui-même en homme libre, mais sans porter de message politique. D'une certaine façon, sa carrière et sa personne ont été investis politiquement un petit peu contre son gré, mais il n'a jamais cherché non plus à atténuer la portée politique de son mode de vie et en particulier de ses victoires sur le ring. Donc d'une certaine façon, il a eu un écho politique bien au-delà de tout ce que la communauté africaine-américaine avait pu espérer en termes de critique fondamentale, radicale, des préjugés de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que le champion de boxe Cassius Clay, qui se rappelait ensuite Mohamed Ali dans les années 60-70, est un héritier de Jack Johnson ? Oui, Mohamed Ali est clairement un héritier de Jack Johnson. Jack Johnson a marqué des générations d'athlètes africains-américains. Mais c'est surtout dans les années 50, 60 et 70 que cet héritage sera remis au goût du jour. Mohamed Ali, dans ses mimiques sur le ring, dans sa façon de combattre, dans sa façon de, dans son arrogance vraiment extrêmement virulente à l'égard de ses adversaires, reprend un certain nombre de gestes inventés par Jack Johnson, la façon dont il insulte ses adversaires, dont il essaye de les faire sortir de leur gond. C'est assez typique de Jack Johnson, absolument. On avait entendu que Jack Johnson part en France. Quelle est la différence entre le racisme en France et le racisme aux États-Unis ? Les deux pays, en fait, ont des histoires très différentes du point de vue racial. La France, au début du XXe siècle, est à la tête, excusez-moi, de l'un des empires coloniaux les plus vastes de la planète, en particulier après l'Empire britannique. Mais, d'une certaine façon, les relations raciales en France sont moins violentes qu'aux États-Unis, en particulier en métropole, parce que les phénomènes de racisme se déroulent essentiellement outre-mer, c'est-à-dire qu'elle se déroule dans les colonies françaises, de la même façon que l'esclavage n'a jamais eu lieu sur le sol de l'Hexagone. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, où blancs et noirs vivent ensemble depuis des siècles, et c'est la raison pour laquelle le racisme aux États-Unis est beaucoup plus violent qu'il ne l'est en France à l'époque. Aux États-Unis, donc, on reproche à Jack Johnson d'avoir pris le titre de champion du monde poids lourd. On lui reproche aussi d'aimer les femmes, notamment les femmes blanches. Toute sa vie, il va être persécuté et on le découvrira plus tard. Il est surveillé par le FBI. On a découvert un énorme dossier le concernant bien plus tard dans les archives donc du FBI. Et c'est très récemment que Jack Johnson a été réhabilité à titre posthume par le président des États-Unis, Donald Trump. C'était le 24 mai 2018 dans une cérémonie à la Maison Blanche. John Arthur Jack Johnson, a truly great fighter. Un véritable grand combattant. Sa vie a été dure. Sa condamnation est intervenue durant une période d'énormes tensions raciales aux États-Unis. Il représentait quelque chose qui était à la fois magnifique et terrible. Je prends cette décision juste pour corriger une erreur de notre histoire et pour honorer un champion de boxe légendaire. Donald Trump réhabilitant la mémoire de Jack Johnson, comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps pour le faire et comment se fait-il que ce soit Trump qui le fasse ? Oui, effectivement, c'est une revendication de longue date de réhabiliter Jack Johnson. Donald Trump le fait pour des raisons, politiciennes, puisque dans le même moment, il critique très vertement, pour dire le moins, les athlètes africains-américains qui militent et qui s'élèvent contre, par exemple, les violences policières faites à leur communauté à travers le mouvement Black Lives Matter. Donc Donald Trump, je pense, ici, fait acte d'une position partisane qui est très politicienne, à mon avis. Je rappelle que Jack Johnson avait déclaré un jour à un journaliste « Quoi que vous écriviez à mon sujet, souvenez-vous que j'étais un homme ». Merci Nicolas Martin-Breteau, vous êtes l'auteur, je le signale, d'une thèse « Corps politique, sport et combat civique des Africains-Américains à Washington, D.C. et Baltimore entre 1890 et 1970 ». Autant emporter l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission.